Aujourd'hui, le lundi 1er avril, et c'est vrai, c'est pas une blague, 1er avril, monte le volume et hume la différence, car c'est parti mon kiki. Enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL le 89.1 à Québec, la plus vieille radio communautaire francophone au monde vous propose Errance Rénadienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bain-fumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Rénald Gagné! Oui, c'est moi. Mais avant de vous éblouir par je sais pas quoi, on sait pas, on verra ce que l'avenir nous réserve à cette émission du 1er avril, mais j'ai décidé de commencer avec quelqu'un que vous connaissez. Si vous êtes des auditeurs fidèles de mon émission. Sinon, ben, ça me fait plaisir de vous le faire découvrir. C'est une belle chanson. En fait, c'est un auteur, compositeur, interprète. C'est une œuvre majeure, ce que vous entendrez. Donc, préparez-vous. C'est très atmosphérique. Prenez le temps de vous placer dans une situation qui va vous permettre d'accueillir cette œuvre majeur. Just another sheep boy, duck call, swan song.

Ouais, si je place ça comme... Ouais, c'est les aigus que j'aime pas. OK. Je vais vous faire... Encore, comme d'habitude, je vais faire... Ah, voilà. Je préfère une voix plus cristalline, dirons-nous, comme ça. Ah, voilà. OK. J'aime ça de même. C'est un choix. Volontaire. Donc, je vais baisser ça comme ça. Bon. Madame Tremblay, ne me réprimandez pas. Je sais que tout professional... Et j'en suis pas un. Tout professional prépare ça avant que les auditeurs écoutent. Pas pendant. Mais je me dis, Madame Thibodeau, que le public ne peut pas être sourd devant ce qui se passe durant l'enregistrement. Donc, je suis certain que tout cela ne les dérangeront point. Alors, qu'est-ce qu'il voulait dire, Eric? Ah oui, c'est ça, j'ai une petite chanson très très courte, toujours de Julian Cope, extrait de son album Sois sage et suicide-toi. non, c'est une blague. Alors, une chanson très courte, qui est aussi psychédélique que la première. Voilà. Ça va. C'est assez psychédélique, hein? Ah là, je l'aime ma voix comme ça. Parce que c'est ce que je veux que les gens entendent normalement. C'est selon mes normes. Comment dire, Madame Tremblay? C'est selon mes attentes sonores. Puisque je sais qu'ils n'ont pas d'affaires à savoir ça, mais j'ai une nouvelle console. Consolez-vous, c'est pas la principale. Ça, c'est... non, elle est pas très prêteuse, celle-là. Je la reprends pas. Et ce qu'elle voulait dire, c'est que oui, si vous avez suivi le train en marche, je dois produire comme de la saucisse. Vas-y. Pas capable. T'es capable. T'es pas capable. T'es capable. Et pourquoi? Ben, puisque j'ai plusieurs émissions partout dans les radios communautaires très loin dans le nord. Comme j'ai des voisins au-dessus de mon studio d'enregistrement qui s'appelle le Studio des Abbesses, j'ai décidé de me placer un autre, mais lui, mini-studio, dans mon salon. Comme ça, je dérange personne. Je peux crier, si vous voulez. Je peux chanter à capellas, puisque mes musiciens sont en grève, comme d'hab. Et puis, c'est une belle petite console, là. Consolez-vous. Il y a la reverberation. Ben, si on voulait, on s'amuse un peu. Ça, c'est la reverberation. Peladum n'a rien envoyé en fin de semaine. Il y a du monde, hein? En fait, c'est pas du monde. C'est ma voix. On peut s'amuser des heures et des heures. Hey, man, ça fait 20 ans que j'ai pas pris de mescaline. Veux-tu arrêter ça? C'est une petite console de rien, là, hein? Oh, hey, belle, oh. Je sais pas, je l'ai pas encore baptisé. Je baptise tout, moi, autour de moi. Ouais, j'ai baptisé. Ça va mieux, madame? Ah, je sais pas, je crois que je suis en état de crise. Oh non, c'est pas vrai. Ben, vous m'avez refait vivre des moments de mon adolescence assez extraordinaires. Ah oui? Oui, monsieur Grenier, gagné. Elle peut partir de même pendant 50 ans. Elle s'en souviendra plus. Et puis, ouais, mais quelle sorte de... j'ai écouté là-dessus, là. Toutes les grandes, ce monde, là, des années 70, fin 60, 70. Je peux te nommer si tu veux, t'as-tu le temps? On a le temps. Ah, Janis Joplin! OK. Jim Morrison! OK. Qui faisait partie des groupes. Oh, je sais pas, ils m'ont mis dehors avant. Oh, les Doors, exactement. Non, mais moi, j'ai pris panique. Je prends toujours... J'ai pris Marie aussi. Marie. Ave Marie! Pas cette Marie-là, mais mon mari. Mon mari dit aussi le trou de pète. Oh, vous l'avez appelé... c'est beau. C'est quoi? C'est des mots d'amoureux? Beautiful love. c'est quand on est en chicane, je l'appelle le trou de pète. Oh. Est-ce que c'est gentil? Ben non, un trou de pète. Vous savez, c'est quoi qu'un trou de pète? Ben, je connais les... c'est quoi dans la bouffe, là, les trous de sœur? C'est pas des trous de sœur, c'est des oreilles de Christ! Oh, excusez-moi. Voyons donc, vous êtes ben à pic. Non, non, mais vous connaissez rien! Ben, non, pas grand-chose. Mais dites-vous une chose. Oui, oui, je vais me le dire, dites-moi-le. Oui. C'est que tout ce que je sais, ben, je le sais. Oh! Vous êtes comme un savant flou! Ah, oh, moi, je suis un savant flou, un savant fou. Pas si fou que ça! Ah, non. Ah, non, ah, non, ah, non. Puis même, je me félicite de ne pas l'être. Flou! Non, fou. Ah! Vous pourriez être flou! Ah, comment ça? Vous seriez plus beau! Oh, c'est pas gentil, ça, madame. Ah, je suis pas ici sur Terre pour être gentil, moi. Moi, écoutez, monsieur, vous voyez, hein, j'allais vous tutoyer déjà, là. Je suis une rapide là-dessus, moi, le tutoiement. Parce que de un, c'est pour ça que personne veut tutoyer. Je vais vous dire pourquoi. Ça enlève les barèmes. Les barèmes, oui. Oui, ça enlève tout. Hein, c'est plus direct. Le vous, bon, c'est comme un voilage. Ou comme vous dites, vous, un voilage. Ah, oh, vous me connaissez? Oh, je vous écoute à chaque semaine. Oh, je vous suis depuis. Oh, vous transportez de cases horaires. Vous êtes beau quand vous volez de cases horaires. Oh, vous êtes beau. À la radio, vous êtes beau. Ah, vous êtes très beau. Ah, oh, j'aime ça vous voir rouler, voler. Ah, oh, voir. Je vous ai déjà vu aussi. Vous accrochez le pied. Et tomber dans la métaphore, comme vous êtes si fort. Oh, vous êtes fort. Mais pas si fort que ça, parce que mon ancien mari était dans... Vous m'écoutez? Ben oui, je vous écoute, je m'abreuve. Ah, oh, vous aimez ça, vous aimez... Oh, mais ça, je peux pas... Mais toute personne a son intimité. Hein? Je rentrerai pas dans votre intimité intime. OK. Alors donc, il y a plusieurs intimités. Ben oui, il y a plusieurs intimités. Je me présente, Suzanne Lemieux, ancienne psychologue, ancienne sociologue, ancienne sexologue. Je suis dans toutes les structures de la science de l'humain, mais à l'ancienne. C'est-à-dire que j'y pratique plus parce que je connais trop le peuple. Et puis, hein, je tiens à dire que j'ai raté mon porte chinois la semaine dernière parce que je vous ai écouté. Là, ça me dévalorise, moi, là. Pâté chinois, c'est pas compliqué. Là. Mais je me suis dit peut-être que je suis plus bonne à rien. Avec les années passent, Monsieur Grenier, les années passent. Le temps passe aussi. Tout passe, puis moi je passe pas. Comment ça, non? Il me semble que si tout s'en va dans une direction, tout le monde doit partir par là. Puis en même temps, ben, je ne veux pas ressembler à ce monde-là, moi, là. Tu sais, on les appelle, entre guillemets, au Québec, hein, ailleurs, je ne sais pas, moi, je vais vous dire, là, la vérité, je ne sais pas pourquoi je suis arrivé comme personnage, mais je suis un personnage que je m'aime bien comme personnage. Vous avez raison, oh, vous êtes tellement merveilleuse. Oh, merci, mais est-ce que je pourrais continuer dans les semaines qui suivent? Non, non, non, vous êtes passagère, mais maintenant, donc, vous êtes dans... Dans l'instant présent, après, ben, vous êtes comme un ballon que l'on souffle et dont on quitte les deux doigts. Les deux doigts! Ben, les deux doigts. Moi, j'ai plusieurs doigts, j'en ai 10. Oh, mon! Vous êtes merveilleux. Vous avez 10 doigts. Oh, mon! Ben, mais vous aussi. Ah! Oh. Ben, mais moi, je suis tellement prise hein, dans mes réflexions que toutes les patients sont venus me voir, les patientes aussi. Je tiens à vous dire que les patientes sont beaucoup plus impatientes que les patients. Les patients peuvent comprendre. Parce qu'ils sont de l'autre côté de la barque. Et ils connaissent pas vraiment la femme, la demoiselle, la fille qui est en moi. Et les femmes connaissent bien les femmes. Donc, ils vont juger plus rapidement. En disant, hey, toi, c'est hey, hey, voilà, aussi, on va hey. Hey, ça me fait mal. Pouvez-vous répéter? Ah, je sais pas, non, on peut pas. On peut pas, on appelle ça la conscience inconsciente professionnelle. Hein, la conscience, en tout cas, on peut pas, c'est professionnel. Professionnel. Il y a des amateurs, hein. Il y a les gens qui écoutent pour écouter. Mais qui peuvent pas prodiguer des discussions intéressantes pour faire fonctionner l'autre, pour faire comprendre à l'autre qu'il y a peut-être un problème dans sa vie. Moi, j'ai cette faculté-là. Aujourd'hui, j'ai plus de faculté. En tout cas, je commencerai pas à raconter un peu ma descente aux enfers. Parce que l'enfer, mais c'est le paradis pour moi. Ah, depuis que j'ai quitté ça, je suis tellement heureuse. Ah! Hey, je tricote des fleurs, puis je plante ça dans mon jardin. C'est beau à l'année. L'hiver, sont resplendissantes. L'été, sont resplendissantes. Même les abeilles tournent autour de ça, puis disent « Qu'est-ce que c'est ça? » Ils sont surprises, hein? Qu'est-ce que c'est ça? Mais je les entends. J'ai eu aussi une formation en zoo. Je suis allé en Écosse chanter ça sur les grandes montagnes. C'était beau. En zoothérapie. Si vous avez votre affaire. Vous avez votre affaire. Ah, moi, j'ai quelle affaire, là? Ah, mais vous, les hommes, hein? On dit l'affaire, puis toujours. Il se touche l'affaire. Non, l'affaire, vous avez la verbo, je connais rien dans la technique, là, moi. Mais j'ai entendu des gui-gui-gui-gui tantôt. Non, c'est pas ça, c'est des... Oui, ça, c'est oui. Ah, mais vous savez ça. Pouvez-vous me faire un petit peu d'écho? Puis je vais faire comme vous. Ben là, pour vous, je sais pas, là, ça, c'est pour les créateurs, les artistes, pour nous mettre en évidence. Ben oui. J'aimerais bien vous mettre en évidence, là. Donc, si vous voulez faire vous, avec les écoutes, ça, là. Ouais, mais c'est qui fait votre mise en onde? Ben, c'est vous, monsieur Grenier. Voyons donc, moi, je connais rien là-dedans. Je vois plein de boutons. Non, mais quand t'es devant ça, c'est stressant. Hein? Tu dis qu'il y a des gens qui t'écoutent, qui vous écoutent, qui nous écoutent. Nous écoutons, vous écoutez, je perds tous les verbes, les subjonctifs présents. Et, oh mon Dieu, Seigneur! Comment avoir autant de pitounes? Ben là, d'un, faut être gentil. Ah oui! Ben, faut écouter. Ah, comme moi! Ah oui. Et puis, ben, il faut recevoir, là. Hein? Dans la pitoune, là, c'est pas toutes des belles pitounes. Ah, non, pas si. Ah, voilà, monsieur. On vous reconnaît. Non, c'est les boutons de votre synthétiseur. C'est pas un synthétiseur. Oups. Je viens de faire un impair. Un impair, oui. Non, c'est pas un synthétiseur, là. C'est un mixeur. Un mixeur qui sert à... mixer. Oh, vous êtes forte. Oh, vous avez raison. Je devrais être une artiste. Oh, voulez-vous faire la chanson de Claude Dubois? Oh non. Vous êtes le seul à le faire aussi bien. OK. Alors, vous voulez que je place de l'écho pour vous croire un peu là en Écosse et avec les... Et puis, qu'est-ce que vous voulez dire? Non, mais là, qu'est-ce que je veux dire? Oh, mais j'aimerais bien dire « Je t'aime » avec plein d'écho. Ouais, c'est très féminin, hein? C'est, ça vaut pas grand-chose. Ah, non, je veux pas dire ça. Ben là, vous êtes vexant, M. Grenier. Gagné. Non, mais vous êtes vexant, M. Gagné. Parce que l'amour, là, même à l'unisson, c'est beau avec de l'écho. Avec ou sans Gilbert Bécaud. C'est de vous, ça, hein? Je vous écoute. Oh, vous êtes formidable, vous aime. Plus à radio, parce que je vous voyais pas avant, là. Je vous aime un peu moins. En tout cas, vous êtes bizarre, hein? C'est normal, tout ça? Non. Toute la normalité en moi est normale. C'est les autres qui... Ah, OK! C'est bon. Alors, on y va. Je sais pas quoi dire dans l'écho. Ben là, vous parlez depuis à peu près, je sais pas, là, 22 minutes. Vous devez savoir quoi dire dans l'écho. Ben, là, pas 22 minutes parce que ça fait 26 minutes et 15 secondes que l'émission est commencée. Hé, hey, vous êtes une précision suisse! Hey, moi, j'aime ça. Attendez, je suis tout excité, là, parce que moi, dans mon jardin, j'ai des suisses et des écureuils. Bon, pas à ce moment ici, là. Pas à ce moment ici. C'est bien certain que quand t'es à l'université, t'as fait des études, on s'attend pas que quelqu'un dise à ce moment-ci. Mais moi, parce que je viens de Sherbrooke. Mais Sherbrooke peut pas sortir de moi. Même si les livres m'incorporent, me font comprendre des choses, mais quand je les lis avec l'accent. C'est pour ça que je suis allé faire, parce que, bon, vous m'avez, à un moment donné, lors de votre excellente émission Errance canadienne du 12 septembre 1992, est-ce que vous vous souvenez? 92. 9, 10, 11, l'émission n'existait pas. Ah, ouais! Ben voyons! Qu'est-ce qui s'est passé? Hein? 92, ça n'existait pas? Non. Errance canadienne existe depuis à peu près, là, selon moi, dans ma tête. Ah, ben, je suis dans votre tête, c'est tout mêlé, là. C'est pas certain, là. Vous êtes dans l'incertitude. Un peu comme la politique mondiale. Oh, vous faites de la politique? Non. Oh, non, non. Ben, vous venez de dire politique mondiale. Ouais, mais j'ai lancé ça de même pour être intéressant. Sinon, moi, la politique, là. Pff. Mais tout est politique, hein. Je tiens à vous le dire. Quand vous arrêtez à une lumière rouge, c'est politique. Ouais. Vous vous rappelez de vos cours à l'université? Exactement. Mais c'est la seule chose que je me souviens. En fait, je me souviens plus d'avoir payé mes cours très cher pour avoir si peu. Mais aujourd'hui, c'est encore pire. Vous parlez pas? Vous avez raison, M. Grenier. Vous avez totalement... Est-ce que je peux me sentir un peu comme en Écosse, en écho, en équi, en écu, en équi, en écou? Le Père Noël, c'est... À quelqu'un, le pipi, le poupou, le pipou, le Père Noël, c'est pas celle-là. Mais pouvez-vous mettre l'écho? Ben oui. Qu'est-ce que vous allez dire... qu'est-ce que vous allez nous divulguer? Divulguer? Ben, je vais vous dire que... Là, j'ai crié comme en haut d'une montagne. Ah, l'amour! Ouais. OK, allez-y. Ah, l'amour! L'amour, l'amour, l'amour, l'amour, l'amour, l'amour, l'amour, l'amour, l'amour, puis? Ah, mon Dieu, je me sentais plus dans ma tête. Lors de l'anniversaire de ma dernière conquête féminine. Parce que oui, je me suis rendu compte que... Je devais rencontrer le côté féminin de moi-même à travers les autres femmes. Je suis pas ici non plus, comme je vous ai déjà dit, je suis une sexologue. Et j'ai senti cette vibration-là lorsque j'ai rencontré ma belle Natacha. Qui me fait encore un peu pleurer. Ça fait combien de temps? Oh, ça fait une bonne quinzaine d'années. Une bonne quinzaine. Une bonne quinzaine. Une bonne quinzaine. Une bonne quinzaine. Une bonne quinzaine. Une bonne quinzaine. Une bonne quinzaine. Une bonne quinzaine. Une bonne quinzaine. Une bonne quinzaine. Une bonne quinzaine. Une bonne quinzaine. Une bonne quinzaine. Une bonne quinzaine. Une bonne quinzaine. Okay. Pristine. Take two. Pristine, pristine, how much can you take? Pristine, pristine, how much can you take? 'Cause you're lying to me was your first mistake. Trusting in me was your major mistake. Pristine, pristine, how much can you take? I said, how much can you take? I went down on Pristine. Now how much does it take to go down on someone, someone that you hate? 'Cause lying to me was her first mistake. Trusting in me was a major mistake. Pristine, pristine, I said, how much can you take? I said, how much can you take? Pristine, pristine, tell me how much can you take? Pristine, pristine, tell me how much can you take? take. 'Cause a lion to me was your first mistake. Trusting in me was your major mistake. Christine, Christine, I said, how much can you take? I said, how much can you take? Come on now, Christine, Christine, tell me how much can you take? Come on now, Christine, come on now, Christine, tell me how much can you take? 'Cause your lying to me was your first mistake. Trusting in me was your major mistake. Christine, come on now, Christine, I tell me how much can you take? I tell me how much can you take? I tell me how much can you? How much can you? How much can you? How much can you take? How much can you take? How much can you take? Oui. Est-ce que j'ai le droit de m'offrir un cadeau moi-même? Un cadeau sonore? Une chanson? Toujours extrait de cet album? S'il vous plaît. S'il vous plaît, public. Public. Ah, ah, ah, ah, ah. Il y aurait Jeanne qui a levé le doigt. Ah, pop, pop, pop, pop. Oui. Tu veux? Écoute. Réjeanne, cette chanson est pour nous. Heart of stone, I keep your nerve if you love me at all. There lies my head, it's blown. I better still if you love me at all. Don't have the faith just to call my own. Defend your race, defend it all. If you love me at all. If you love me at all. My love, I listen to me if you love me at all. Are these thoughts come racing in? If you love me at all, I can't allow my heart to be burning. I couldn't stop my head from busting. If you love me at all, if you love me at all. If you love me at all. Pretty, pretty be my eyes. I see you through me if you love me at all. The boat of love has been capsized inside of land, but we're cold and drifting. And if I seem to be yawning, the restless sea must be my yearning. If you love me at all. If you love me at all. If you love me at all. If you love me at all. Walked in your town and I knew you was changed. And if you love me at all, your hounds away, away, and hear my cries. You be loving, need my cries to be hearing. If you love me at all, C'est toujours l'univers musical de Julian Cope, extrait de son album exceptionnel. Mais là, il en a sorti deux. Peggy Suicide, Suicide, Suicide. En tout cas, je suis pas un anglophone, je suis un francophone du Québec. Oui, je veux pas refaire aussi mon petit côté Bourgault, mon petit côté René Lévesque, là, mais Peggy Suicide. Suicide. En tout cas, pour moi, là, c'est Julian Cope, Peggy Suicide. Bon, c'est clair, net et fret sec. Moi, mais j'aimerais que mes grosses patates frites, bien juteuses, ne soient pas secs. Mais à peine. Couvertes de coups. Non. Je vous demande pas, madame. Non. C'est pas parce que je suis un artiste méconnu, inconnu. Pas connu, pas un artiste, je suis pas grand-chose. Je suis né hier, j'étais un ver de terre, et maintenant, je vous commande une patate frite, une frite. Ben, pas juste une frite, là, mais un ensemble de frites. En tout cas, comment on appelle ça? Non, une patate, une grosse patate. Je parle pas de vous, madame, prenez pas ça de même, vous êtes une belle demoiselle. Peu importe l'âge, madame, vous êtes une belle demoiselle. Oui. Je sais que les années ont passé, mais votre beauté reste aussi authentique. Bon. Est-ce que je peux avoir des frites? Des frites, plusieurs frites. Des frites, frites, pas des flips. Oui, exactement. Croustillante à l'extérieur et molle à l'intérieur. OK. C'était... Parce que c'est... Bon. Mais vous pouvez pas... Il n'y a pas d'extra. OK. C'est comme ça ou c'est... C'est standard. OK. Vous faites la frite standard. Bon. Mais de quoi a l'air votre... Non, mais je fais comme ça mon dédaigneux, là. Je peux vous dire pourquoi. Parce que à chaque fois je mange... C'est très rare que je mange des frites, des patates frites. Oui. C'est pas moi. Moi, je préfère le riz. On n'irait pas avec le riz, ouais. Mais on peut rire avec la patate. Oh, on en connaît, des patates. Oh! Mais pas juste frites, hein. C'est ceux qui ont trop bouilli, là. Tu sais, qui ont été dans l'eau, puis ça mijotait, tu sais, c'était... Puis là, il y a un cuisinier qui me fait un signe qu'il y a une différence entre mijoter et quoi? Qu'est-ce que tu dis? Derrière une vitre, je comprends pas. Qu'est-ce que tu dis? Mijoter, puis quoi? La mijoteuse. Ah, puis bouillir. OK, il y a une différence entre bouillir et mijoter. C'est certain. Mijoter, c'est à long terme. Puis bouillir, ben c'est comme un peu, là, quand tu te prépares du spaghetti. L'histoire du spaghetti. Ma vie, c'est un spaghetti, vous savez. Je connais ça. Non, je sais, mais... Prends pas les nerfs. Prends. Ben, prends la porte si tu veux, mais ramène-moi les, hein, parce que c'est quand même un temps froid le 1er avril. C'est pas si chaud que ça. Ça fond, j'ai rien contre, ça fond. Mais heureusement que ça fond. Je dois prendre mon scooter. Puis surtout, je dois écouter, non pas écouter, mais je dois dire à mes auditeurs et auditrices mes aventures de scooter. Le gars en scooter, qu'est-ce que ça fait? Hey, ça doit être dans le crime organisé, tu sais, t'es proche de la moto, t'es en scooter. Oui, mais monsieur, oui, mais attends un peu, moi je connais ça ce monde-là, là, tu sais. Ça commence à rien, puis ça gradue, puis hein, ça sert des mains, puis après ça, ça tue. Hey, monsieur, c'est en scooter électrique. Ben électrique, ben oui, mais aujourd'hui, l'électrique, ça va combien de milles à l'heure, ça là? 150, 200? Monsieur, je vais à 33. À 33 tours. T'es encore au vinyle. Ça revient. Hey, reste au vinyle. Ton scooter est au vinyle. Ben, à peu près ça. Hey, tu peux pas me dépasser. Ben, c'est certain. Non, toi, t'as quoi? L'Harley Davidson traditionnel. 74. Easy Rider. Hey, on roule là-dessus, puis là, on est comme ça du Marshmallows. Ben, la guimauve, on roule sa guimauve. Hey, la suspension là-dessus, je te raconte pas, là. OK, merci. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas dire? Ben, je vais raconter parce que j'ai un invité. Oh, alors, on laisse l'invité. Ben, s'il te plaît. Vous reviendrez un peu plus tard. À un moment donné. Mais c'est qu'à un moment donné. Ben, ça sera pas aujourd'hui, pas cette semaine, peut-être dans 2 ou 3 semaines, ou même la semaine prochaine. Vous êtes un invité, privilégié. Oh! Hey, moi, j'aime ça être privilégié. T'as-tu une carte de manque, quelque chose? Parce que là, moi, si je veux... Peux-tu rentrer comme ça dans ton studio? Non, c'est vrai. J'ai 3 gardes du corps. Oh! Comment ça? T'es dans le milieu? Ben, tu sais, je suis quand même connu, là. Quand je mange des céréales avec des lettres alphabétiques. Qui? Des lettres alphabétiques. Des lettres alphabétiques. Ben, avec des lettres A, B, C, D, E. Ah, oh, ouais, OK. Ben, je peux faire mon nom. Hey, t'es important, très important. Mais si je le laisse trop souvent dans le lait... Le lait, ben, toi, t'es pas mal pas très beau, là. Non, je sais, mais dans le lait L-A-I-T... L-A-I-T, mais L-A-I-T, lait, hein, du lait pour boire. Du lait pour boire, ah, OK, c'est quoi ça? Mais c'est du lait blanc, ah, OK, mais c'est ça, mais c'est du L-A-I-T. Comprends pas, moi, là. Non, mais quand tu dois écrire le mot lait pour boire, le lait de la vache ou de la chèvre, c'est L-A-I-T, en bain. Ben, d'abord, non, c'est pas ça. Moi, j'écrivais L-A-I-D. Non, mais ça, c'est quelqu'un qui est laid. OK. Ça ressemble à quelqu'un que je connais. Tu connais très bien. Ben, non, mais que je vois actuellement. Ah, ben, c'est moi, ça. OK. L-A-I-D, c'est L-A-I-D. Un gars qui est... une personne qui est laide. OK. Puis, lait, L-A-I-T, c'est quelque chose qu'on boit. Hey, là, je viens de comprendre plein d'affaires dans ma vie. Oh. Malheureusement, tu peux pas nous en parler puisque nous sommes obligés. Mais non, nous voulons proposer un invité extraordinaire pour la 2e fois à notre émission. Ouais, mais qu'est-ce que je fais, moi? Ben, tu reviendras plus tard. OK. Fait que là, qu'est-ce que je te dis? Ben, au revoir. OK. Au revoir. Oh, c'est pas pire. Au moins, il écoute. Il est dans le texte. Et c'est très bien. Aujourd'hui, se passe-tu des affaires bizarres? Mais c'est normal. Pourquoi? Parce que vous êtes à errance rénaldienne. Oui! Je fais ça comme ça, moi. Souvent, je devrais arrêter au travail aussi. Je fais le roi. Mais les gens aiment bien ça. On me regarde, on me dit que c'est ça, cette affaire-là. Aujourd'hui, le lundi 1er avril 2019, les errances rénaldiennes, oui. Qui? Rénaldienne. Dans le sens de, ben, rénaldienne, c'est moi, rénaldienne. Ah! Ah, je t'écoute, moi, là, depuis au moins 13 ans et demi, puis je viens comprendre que Errance Rénaldienne, c'est parce que toi, t'es Rénald, et t'as mis Dienne parce que c'était une errance et c'est féminin, donc t'as féminisé ton prénom. Aujourd'hui, le lundi 1er avril, il n'y a pas de tour, comme je vous le disais depuis le début, l'errance, les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée, excusez-moi, laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot, confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction, oublions les embarras familiaux, l'école, bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Suddenly, I came to my senses. A night on fire put out all traces of feeling. I'm only concerned with looking concerned. I don't want to get my laces burned. We talked for hours, except for the fainting. We seemed so enchanted, but now my expression is changing. See for yourself, I'm run down by a train. I stand back from a shark attack, and it's all the same. Mommy, I've been fighting again. Mommy, I've been fighting again. Mommy, I've been fighting again. Mommy, I've been fighting again. I should have known you'd seek my opinion from all over the country and out to the great dominions. Careful, some of the blunders of history have been made that way. I'm still stuck in this pickle jar on a paper carpet. Mommy, I've been fighting again. Mommy, I've been fighting again. Mommy, I've been fighting again. Mommy, I've been fighting again. Mommy, I've been fighting again. Mommy, I've been fighting again. Mommy, I've been fighting again. Mommy, I've been fighting again. Fight, fight, fight, fighting again. écoute maintenant un parolier extraordinaire, touchant, humaniste, Claude Lemels. Il a écrit 130 chansons pour Joe Dassin, pour Dalida, pas 130 pour Dalida, mais pour plusieurs artistes, dont Michel Sardou. Il va tout nous raconter. Alors voici mon ami, le cœur sympathique, la voix incroyable, l'écriture unique, Claude Lemels, à toi l'artiste. À la façon que tu as d'être belle, à la façon que tu as d'être à moi, à tes mots tendres un peu artificiels quelquefois. À toi, à la petite fille que tu étais, à celle que tu es encore souvent, à ton passé, à tes secrets, à tes anciens princes charmants. À la vie, à l'amour, à nos nuits, à nos jours, à l'éternel retour de la chance, à l'enfant qui viendra, qui nous ressemblera, qui sera à la fois toi et moi. À moi, à la folie dont tu es la raison, à mes colères sans savoir pourquoi, à mes silences et à mes trahisons quelquefois. À moi, au temps que j'ai passé à te chercher, aux qualités dont tu te moques bien, aux défauts que je t'ai cachés, à mes idées de baladin. À la vie, à l'amour, à nos nuits, à nos jours, à l'éternel retour de la chance, à l'enfant qui viendra, qui nous ressemblera, qui sera à la fois toi et moi. À nous, aux souvenirs que nous allons nous faire, à l'avenir et au présent surtout, à la santé de cette vieille terre qui s'en fout. À nous, à nos espoirs et à nos illusions, à notre prochain premier rendez-vous, à la santé de ces millions d'amoureux qui sont comme nous. À toi, à la façon que tu as d'être belle, à la façon que tu as d'être à moi, à tes mots tendres un peu artificiels quelquefois. À toi, à la petite fille que tu étais, à celle que tu es encore sous, à ton passé, à tes secrets, à tes anciens princes charmants. Mais en même temps, oui, il y a des jeunes pour qui je travaille. Là, je viens de faire tout un album avec une jeune femme qui s'appelle Marlène, M-A-R-L-N. Bon, il y a aussi un très gros travail que je fais avec une jeune comédienne qui s'appelle Pauline Chevillé, qui est un spectacle dont elle va être l'unique interprète, magnifique. Je suis très fier de ce qu'on a fait. Je travaille aussi avec un garçon qui s'appelle Richard Baudouin, l'homme à la guitare bleue, qui a beaucoup de talent. Et à part ça, bon, j'ai d'autres projets qui sont en train de voir le jour, dont un film musical avec Patrice Lecomte, le réalisateur. Donc c'est un film dont on a écrit les chansons tous les deux avec une compositrice s'appelle Isadora Bellis. C'est un travail à trois. Voilà, c'est ça. Les textes des chansons, Patrice et moi, et la musique, Isadora Bellis. J'ai aussi un grand spectacle musical coécrit, dont j'ai écrit les textes, et Gilbert Montagnier a composé la musique, qui va être créée bientôt. À New York, à Jérusalem et à Paris ensuite. Enfin, il y a énormément de choses qui sont sur le grill. Quoi. Bon. Mais pour ce qui est du film de Lecomte, est-ce qu'il se prépare à tourner bientôt? On attend évidemment l'argent. L'argent. Tout est prêt, tout est prêt. Le synopsis, le. Les comédiens sont déjà choisis. Scénario. On a la comédienne principale. Ok. Voilà. Okay. Qui est une jeune femme puisque il s'agit de. C'est l'histoire d'une jeune fille de 18 ans. Ce film musical. Mais ça va être très beau. Hein. Franchement, ça va être très beau. Est-ce que c'est uniquement du chant ou s'il y a des paroles Il y aura un peu de dialogue aussi. Okay. Il y aura un peu de dialogue aussi. Okay. Oui. Mais c'est évidemment Patrice qui va, oh oui. qui va réaliser. Oui, oui, oui. Bien sûr, mais non, il y a plein de. Il faut vivre, l'azur au-dessus comme un glaive, prêt à trancher le fil qui nous retient debout. Il faut vivre partout dans la boue et le rêve. En aimant à la fois et le rêve et la boue. Il faut se dépêcher d'adorer ce qui passe. Un film à la télé, un regard dans la cour. Un cœur fragile et nu sous une carapace. Une allure de fille éphémère qui court. Je veux la chair joyeuse et qui lit tous les livres. Du poète au polar, de la Bible à Vermont. M'endormir presque à jeun et me réveiller ivre. Avoir le premier geste et pas le dernier mot. Étouffer d'émotions, de désirs, de musique. Écouter le silence où Mozart chante encore. Avoir une mémoire hypocrite, amnésique. Réfractaire au regret, indulgente au remords. Il faut vivre, il faut peindre. Avec ou sans palette, et sculpté dans le marbre, effrayant du destin, les éléments du moulin, de la galette, la robe de mariée, où s'endort la putain. Il faut voir Dieu descendre une ruelle morne, en sifflotant un air de rancune et d'espoir, et le diable rêver en aiguisant ses cornes. Que la lumière prend sa source dans le noir. On n'a jamais le temps nous a. Il traîne comme un fleuve de plaine aux méandres moqueurs. Mais on y trouve un lit et des chants de sirènes et un songe accroché au pas du remorqueur. Jamais ce qui éteint, jamais ce qui dégoûte. Toujours, toujours, toujours ce qui fait avancer. Il faut boire ses jours en un goutte à goutte et ne trouver de l'or que pour le dépenser. Qu'on s'appelle Suzanne, Henri, Serge ou que sais-je, qui d'âme évanescent, anonyme, paumé. Il faut croire au soleil en odorant la neige et chercher le plus que parfait du verbe aimer. Il faut vivre d'amour, d'amitié, de défaite. Donner à perte d'âme, éclater de passion pour que l'on puisse écrire à la fin de la fête. Quelque chose a changé pendant que nous passions. Mais comment ça s'est fait sur cette rencontre-là avec. C'est la compositrice qui nous a mis en rapport, Patrice et moi. Parce qu'elle voulait faire le projet avec Patrice, et puis Patrice, bon, il écrit pas tellement de chansons, non. Quoi. Et donc, elle lui a suggéré de co-écrire les textes avec moi, et alors donc on s'est appelé, on s'est vu, et ce qui est formidable, c'est qu'il y a eu aussitôt une entente formidable, une complicité, on est devenus très amis, ouais. On est devenus très très amis avec Patrice, c'est un bonheur de... Mais je crois qu'il y a des rencontres comme ça dans la vie où on se dit cette personne-là, je ne pouvais pas ne pas la rencontrer. Parce que c'était lui, parce que c'était moi, le fameux Montaigne. Là. Et c'est ce qui s'est passé avec Patrice. Et à tel point d'ailleurs, j'ai été extrêmement touché parce qu'il a reçu une médaille dernièrement de la République, qui est la médaille d'officier de l'Ordre national du mérite. Et, alors qu'il connaît. Tout le monde dans le cinéma, il m'a demandé à moi de le décorer. Oh. Et j'ai vraiment été très, très, très touché. Parce que c'est, humainement parlant, fait formidable, ouais. Comme démarche. Voilà. J'arrête pas, puis j'ai pas l'intention d'arrêter là. Pour cet été, bon, j'ai du travail à faire au niveau chanson, mais il faut aussi que je revoie deux de mes bouquins, puisque j'ai écrit un livre qui est sorti en 2008 qui s'appelle L'art d'écrire une chanson, qui est un livre qui marche vraiment très bien. Et l'éditeur m'a demandé, bon, pour les 15 ans, de l'étoffer un okay. petit peu. Donc je l'emporte demain dans ma valise à Montréal. Et donc je vais le stabiloter. Okay. Alors c'est pour la sortie, c'est pour l'année prochaine Oui, c'est ça, c'est début d'année prochaine. Mais bon, il est déjà sorti. On le trouve déjà, oui. Bien sûr. Mais là, ça sera une version un peu augmentée. Bon. Devant la mer, mes rêves se bousculent, mon cœur se serre. Au bout de la planète, je m'ennuie, si loin de mon amour, de mes amis. Ma maison me manque aussi, alors je me dis que si j'étais roi de la terre, empereur de la lumière, maître du destin, je réduirais les distances, j'abolirais les absences, rien ne serait loin. Je voudrais posséder le pouvoir au bout du monde de te voir. Lorsque je vais chanter, mais je ne suis pas roi de la terre, je suis un homme à mal d'éternité. Un coup de téléphone et c'est ta voix, si douce qui résonne si fort en moi. Rien ne serait loin. Je voudrais posséder le pouvoir au bout du monde de te voir. Lorsque je vais chanter, mais je ne suis pas roi de la terre, je suis un homme à mal d'éternité. Si j'étais roi de la terre, suis un homme à mal d'éternité. Et puis un autre bouquin aussi qui s'appelle Plume de Star, où je raconte un petit peu mes collaborations avec une vingtaine d'artistes avec qui j'ai travaillé, donc bon, Beko, Reggiani, Chani, Nana, Jodassin. Non, pas Jodassin, parce que Joe, j'ai écrit un bouquin sur lui. Ok, ouais. Mais là, c'est pareil, on m'a demandé d'étoffer là. Donc, comme on m'a demandé d'étoffer et que mon bouquin sur Joe date d'il y a pas loin de 20 ans, là, je vais rajouter un chapitre sur Joe, mais aussi un chapitre sur des gens avec qui j'ai travaillé depuis 2009, il y en a pas mal. Et donc, oui, j'ai pas mal de choses à raconter. Voilà. Bon, donc, il y a ça aussi à faire cet été. Et c'est pas un petit boulot, quand même, d'étoffer des bouquins comme ça. Bon. C'est vrai. Parce que tu veux pas faire de la redite, tu veux pas non plus reparler de ce que... Ah non. Je vais les relire très soigneusement pour ne pas me répéter. Mais comme tu as de la mémoire... Bah oui, je connais quand même pas mes bouquins par cœur. Non, c'est certain. J'ai 10 questions et on va voir où ça va nous mener. Oui, vas-y. Si tu étais un liquide. Pardon? Si tu étais un liquide. Ah mon Dieu. Oh bah l'eau alors. Ah oui, l'eau. C'est merveilleux. Mais l'eau. Il y a 20 ans, tu n'aurais pas dit l'eau sans toi? Oh, je sais pas. Oui, non, mais je buvais pas mal d'alcool à l'époque, j'ai arrêté. Mais non. L'eau est c'est essentiel, et puis on en parle beaucoup aujourd'hui, parce qu'il y a des menaces. Oui. J'ai d'ailleurs écrit sur le dernier album de Michel Sardou une chanson qui s'appelle La colline de la soif, qui parle de ce problème. Et je suis très, très, évidemment, très inquiet et très concerné par cette problématique-là. Oui. Oui. Si tu étais une ville. On va à Paris, ça, évidemment. On en parlait au début. Donc, oui, ça ne peut pas être autre chose. Mais si tu dois te fixer sur un arrondissement. Ah, sur un arrondissement, plutôt quand même le quartier latin, plutôt le 5e. Oui, plutôt le 5e, oui. Ouais, j'ai beaucoup de souvenirs là. Ouais. Ouais, de mes études, de mes déambulations au jardin du Luxembourg. C'est un quartier qui... Puis c'est le quartier quand même des... C'est le quartier des étudiants. Oui. C'est le quartier de Cluny aussi. C'est pas loin de Saint-Germain-des-Prés. Ou bon, ça me rappelle Carlos. Bon, des gens comme ça. Ah, tu écris pour Carlos, je crois que oui. Hein. Ah oui, bien sûr, beaucoup. Oui, bien sûr. Bah, j'ai écrit Big Bisou. Seigneur Météo, Rosalie, tout ça, oui. Et tu savais que Seigneur Météo a été repris par un chanteur québécois? Oui. Patrick Zabé? Oui, je le sais. Okay. Oui, tout à fait. Il a repris beaucoup de chansons de Carlos. Oui, bah, il a raison, parce que Carlos était très bon. Et en France, c'est un peu méprisé. C'est dommage, parce que... Ouais, parce que je faisais un peu de la musique, de la variété. Oui, mais ça veut rien dire, ça. Non, voilà. C'est vrai. Puis même... Si on prend les Beatles, ça va du... Hard rock, comme Helter Skelter, Obladi Oblada, toutes ces étiquettes, ça c'est très français, hein. Ça ne veut strictement rien dire. Vrai. Pour moi, il y a de la bonne chanson et de la mauvaise chanson. Ouais. Je trouve que Carlos a chanté beaucoup de bonnes chansons. Voilà. Et c'était un grand ami de Joe Dassin. Un très grand ami de Joe Dassin, de Johnny, entre autres. Et bon, il était l'ami de tout le monde, Carlos. Ouais. Tout le monde l'aimait. Faites toujours la fête après les défaites, faites la fête au chagrin. Faites toujours la fête après les défaites, faites la fête au chagrin. Vivre, essayer de vivre, heureux d'être libre et d'avoir des lendemains. Quand les gelées et le brouillard sont le décor du quotidien. Et quand vos nuits sont trop noires, mettez du bleu dans vos mains. Faites toujours la fête après les défaites, faites la fête au chagrin. Faites toujours la fête après les défaites, faites la fête au chagrin. Vivre, essayer de vivre, heureux d'être libre et d'avoir des lendemains. Viens chez moi, il y a des guitares. Viens chez moi, il y a la mer à boire. Faites toujours la fête après les défaites, faites la fête au chagrin. Faites toujours la fête après les défaites, faites la fête au chagrin. Essayez de vivre, heureux d'être libre et d'avoir des lendemains. Si de café en cafard vous vous traînez de nuit en nuit, si l'amour vous en fait voir, c'est l'amitié qui vous guérit. Faites toujours la fête après les défaites, faites la fête au chagrin. Faites toujours la fête après les défaites, faites la fête au chagrin. Vivre, essayez de vivre, heureux d'être libre et d'avoir des lendemains. Viens chez moi, on ouvre à toute heure. Touchez-moi, la porte et le cœur. Toujours la fête après les défaites, faites la fête au chagrin. Vite essayez de vivre, heureux d'être libre et d'avoir des lendemains. Faites toujours la fête après les défaites, faites la fête au chagrin. Vite essayez de vivre, heureux d'être libre et d'avoir des lendemains. Faites toujours la fête après les défaites, faites la fête au chagrin. Vite essayez de vivre, heureux d'être libre et d'avoir des lendemains. Faites toujours la fête après les défaites, faites la fête au chagrin. un acte humaniste, c'est tellement attachant. Merveilleux. Ouais. Ah oui, il manque beaucoup. Ouais. Des gens comme lui manquent beaucoup, oui. Alors, ça me rappelle aussi ça. Ouais. Ouais. Ouais. Si tu étais une époque. Alors, là, j'hésiterai entre plusieurs. Je ne vais pas refaire le film de Woody Allen, oui. Midnight in Paris. Bon, mais quand même, ouais. Peut-être que, oui, justement, les années folles, oui. Ouais, ouais. Ah oui, les années folles. Tout était à faire? Bah, après cette épouvantable épreuve de la guerre de 14-18 ouais. Et cette autre épouvantable épreuve dont on ne parle jamais de la grippe espagnole, ouais. Bon, une espèce de grande respiration que prend le monde, où les mœurs se libèrent beaucoup. Il y a une énorme création, et pas seulement le surréalisme, mais aussi bon, dans la musique, dans la peinture. Bon, et puis je trouve très honnêtement, moi qui suis très amoureux des femmes, que les femmes n'ont jamais été aussi belles qu'à cette époque-là. Ouais, les années folles. Mais Coco Chanel a contribué aussi. Entre autres, entre autres. Mais il y avait Poiré aussi, à l'époque. C'est vrai. Mais ouais, les années folles. Si tu étais une langue. Oh ben le français, bon forcément, ça c'est mon instrument de travail. Hein. C'est mon instrument de travail, donc je peux pas dire le contraire. Sinon, évidemment, le grec, ça, bon, j'ai beaucoup aimé faire du grec, hein, du grec ancien, mais beaucoup. Si tu étais un mot. Si j'étais un mot. Il y en a plusieurs, évidemment, qui me semblent essentiels, mais bon, quand même, humanisme. Oui, on en a besoin. Bah, on le perd beaucoup de vue, on parle de plein de choses, d'égalité, de liberté, de fraternité, etc. Mais on oublie l'humanisme, qui est quand même, bon, pour moi, absolument essentiel, et qui est aussi quand même un facteur d'équilibre. Oui, c'est vrai. Voilà. Ce soir, j'en ai assez de voir l'absence, assez d'entendre du silence. Ce soir, c'est un soir de gala, je fais comme si tu étais là. Je vais aller ouvrir, et ce ne sera plus le vent, mais ton si beau sourire, un peu timide, un peu distant. Tu me diras bonsoir, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, un long jour de brouillard où je t'ai porté disparu. La radio chantera des chansons bêtes mais jolies, comme si tu étais là, et moi je chanterai aussi, comme si tu étais là. Le chat ronronnera très fort, la cheminée s'allumera, il y aura des fleurs plein le décor, comme si tu étais là. Il fera chaud, il fera beau. Le soir se couchera sur nous. Toi, tu feras semblant de t'être détaché de tout. Tu prendras l'air blasé des grands soldats, l'espoir d'enfer. J'aurai l'œil amusé d'une complice ou d'une mère. La radio chantera ces très jolies chansons d'amour, comme si tu étais là, là dans ma vie de tous les jours, comme si tu étais là. Oh, si tu étais un aliment? Un aliment? Alors ça... je pense que... Moi, j'espère que je serai quand même une friandise. Un calisson, par exemple. Ok. Si tu étais une saison? Ah ben l'automne. Ça, l'automne, oui. C'est très beau, l'automne. C'est très inspirant. Ah, c'est merveilleux. C'est... D'abord, les couleurs de l'automne sont formidables, l'été indien. Ouais. Et puis, j'aime assez la mélancolie. Donc, l'automne, oui. Si tu étais un moment de la journée? Le matin. Tu es vraiment un lève-tôt, t'es... Ah, je suis un lève-tôt et je suis un lève-joyeux. Ah oui, ok. Tu te lèves du pompier. Ben, j'ai toujours trouvé que c'était un plaisir de s'endormir et une chance de se réveiller. Oui. Oui. Alors, je me réveille, je suis étonné, je suis émerveillé de me réveiller. Ah, encore un jour de vie, formidable. Une de plus. Voilà. Donc, oui, le matin. Oui. Si tu étais un membre corporel. La main. Oui. Pour l'attendre. Pour l'humanisme que l'on parlait tout pour à l'heure. Pour l'attendre, oui. Oui. Je n'imaginais pas les cheveux de ma mère autrement que gris-blanc. Avant d'avoir connu cette fille aux yeux clairs qu'elle était à 20 ans, je n'aurais jamais cru que ma mère ait su faire un enfant. Je n'avais pas vu cette blonde aux yeux clairs, cette fille au sein blanc. Et j'avais oublié qu'avant d'être ma mère, elle avait mis 30 ans. Et qu'elle s'était donnée et qu'elle avait souffert sous le joug d'un amant. Je n'aurais jamais cru que ma mère ait pu faire l'amour si je n'avais pas vu cette blonde aux yeux clairs, cette fille au sein lourd. Je n'imaginais pas que ma mère soit encore si jolie en gris blanc. Pour les yeux de celui qui caressait son corps, qu'il aimait à présent. Je n'aurais jamais cru que ma mère ait su faire un enfant si je n'avais pas vu cette blonde aux yeux clairs, cette fille au sein blanc. Si je n'avais pas vu cette fille aux yeux clairs, qu'elle était à 20 ans. Si tu étais un autre individu? Bah, évidemment, celui que je respecte le plus, que j'aime le plus, que j'aurais aimé rencontrer si le film de Woody Allen était possible, ce saut dans le temps. Allez, bah, allons-y, tapons carrément au plus haut, Molière. Bon. Ouais. Ouais. Ben oui, c'est quand même ce qu'il y a de plus beau, quoi. À choisir, est-ce que tu ferais le même chemin? J'espère qu'on m'en donnera l'occasion. Et tu prendrais quand même les mêmes sentiers, les mêmes... Sur le plan professionnel, sûrement. Non, le plan amoureux, c'est autre chose. Alors voilà, sur le plan professionnel, sûrement. OK. Pour le reste, ça... Est-ce que des chansons, on va terminer là-dessus, est-ce que des chansons qui te surprennent encore quand tu les réécoutes? Es-tu capable de dire, mais c'est quand même excellent, c'est quand même très bon, ça va surpasser ou... Oh non, ça, honnêtement, j'ai jamais ce genre de réaction, mais qui me touche, oui, bon, il y en a quand même pas mal, mais c'est pas du tout... Parce qu'il ne faudrait pas que les gens qui nous écoutent pensent que c'est de la prétention ou quoi que ce soit. Non, non. Dans l'ensemble, parce qu'on me pose souvent la question de quelle chanson est-ce que tu es le plus fier. Je ne suis pas fier d'une chanson en particulier. Bouge-toi de toi. Étends ton corps bien au-delà de son décor. Bouge-moi de moi, fais-moi changer, grandir, mourir, ressusciter. Dis-moi qu'on est fou, qu'on est ailleurs, qu'on est partout où c'est meilleur. Dis-moi qu'on est grand à en pleurer. Le temps, le vent, l'éternité. La vie, ça danse. La vie, c'est beau. C'est tous les jours un jour de naissance. C'est tous les soirs un soir nouveau. La vie, ça bouge. Dans l'ensemble, je suis fier de mon travail, parce que j'ai bien travaillé, voilà. Il n'y a jamais eu un moment où je me suis dit oh, « j'en ai marre de cette chanson-là, je laisse tomber, tant pis, elle n'est pas très bien comme ça », mais non, non, ça ne s'est jamais arrivé. J'ai toujours été jusqu'au bout de mes possibilités. Peut-être qu'un autre aurait pu faire mieux, mais en tout cas, j'ai toujours été au bout de mes possibilités à moi. Mais bon, une chanson comme « Salut les amoureux », me touche toujours beaucoup. Alors c'est sans doute parce qu'elle me rappelle évidemment des choses personnelles. Mais l'autre jour, j'ai écouté, tout à fait par hasard, une reprise d'une de mes chansons qui est moins connue, mais que j'aime beaucoup, qui s'appelle « Ton côté du lit », qui est une chanson que j'ai écrite pour Joe Dassin, dont la musique est d'Alice Donat. Et cette chanson a été reprise, il y a eu plusieurs reprises. Chez vous, au Québec, il y a eu une reprise d'Amélie Veil qui était très très bonne d'ailleurs, excellente, excellente. J'aime beaucoup Amélie, je vais la voir d'ailleurs à Montréal. Mais là, il y a une reprise d'une fille qui s'appelle Anne Silla, de ton côté du lit. Et franchement, alors je l'ai écouté et j'ai pleuré tout le temps. Et je l'ai appelé d'ailleurs, après j'ai réussi à avoir son téléphone, je l'ai appelé pour lui dire. Je lui ai dit, écoutez, Ran, vous avez réussi à me faire pleurer ma propre chanson. Ouais. Alors, bon, je me suis dit quand même que si j'arrivais, quand même, bon, pas mal d'années après l'écriture de cette chanson, à pleurer encore sur ce que j'ai écrit, bah, ça veut quand même dire quelque chose. Ouais. Ça veut dire que je l'ai écrite sans aucune espèce d'artifice, très très sincèrement, avec tout mon cœur, et que bah, ça tient le coup à cause de ça. Oui. Je crois que les chansons un peu truquées, les chansons faites à base d'habileté, de jeux de mots et tout ça, ça bluffe un moment, en particulier les critiques, certains journalistes, une petite partie du public, mais ça ne bluffe qu'un moment. Les chansons qui restent, c'est des chansons qui sont écrites avec l'encre du cœur, je crois, vraiment. On le voit bien, bon, si vous prenez La vie en rose, bon, le texte en soi, bon, il n'aura pas le Grand Prix de l'Académie française, quoi. Bon, c'est assez simple, mais c'est tellement vrai, tellement sincère, tellement authentique, que, quelle que soit la personne qui chante, parce que quand je dis ça, les gens me disent oui, mais il y a Piaf, mais non, mais bon, il y a des reprises très nombreuses de Diane Dufresne. Hein? Diane Dufresne qui l'a repris. Oui, mais il y a plein ouais. de gens qui l'ont repris, et c'est toujours très beau. Ouais. Parce que c'est vrai, tout simplement. Moi, je ne crois qu'à ça. comme Job. Signe extérieur de richesse, signe extérieur de santé. Je crois qu'il y a l'authenticité et à ce qu'on fait passer à travers cette authenticité. Brel, il disait un truc très très très juste. Il disait, on fait un métier, il ne faut pas avoir 2 grammes d'habileté. Et j'ai arrêté parce qu'un jour je me suis réveillé, j'avais 1,50 g. Ben, je crois à ça très fort. Bon, on peut à un moment bluffer un petit peu bon, avec des pirouettes, des jeux de mots, des machins, tout ça. Mais c'est bidon, ça ne sert à rien. Bon, quelle est la plus grande phrase qu'on ait jamais écrite, au fond, qu'un auteur a jamais écrite ? To be or not to be, that's the question. Bon, c'est complètement con, hein ? C'est basique. Ben oui, mais personne d'autre ne l'a jamais. C'est qu'il y a de vérité. Mais c'est énorme. Ouais. On ne se rend pas compte à quel point c'est énorme. To be or not to be, that's the question. Ben oui, mon pote, t'as raison. Ouais. Personne ne l'avait dit avant toi. Ouais. Et évidemment, bon, depuis, on ne pourra plus le dire. Puisque c'est bon. Mais c'est merveilleux. Ou alors Oscar Wilde. Sois toi-même, les autres sont déjà pris. Ah oui. Ouais. Bon. Mais il faut déjà l'avoir écrit. Ben oui, ou alors... ce que je disais tout à l'heure sur la vie et mon bonheur de me réveiller, et on va terminer là-dessus, vivre est la chose la plus rare, malheureusement la plupart des gens se contentent d'exister. Oui. Ben moi j'essaie de vivre. Puis on avait terminé, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ? De... toujours penser aux autres. Merci. De jamais me racornir au point de laisser plus de place à moi dans ma vie qu'aux autres. Voilà. C'est ton côté humaniste. Il y a comme ça que je conçois la vie. Ouais. Ouais. Merci. Ça va ? Oh, écoute, à la revoyure. Bon, eh ben à la revoyure. Ok, bah demain je volerai Mais oui, à Montréal. Vers la belle province. Ben oui. À l'instant là. Hein, est-ce que tu peux prendre des photos ? Ah oui, oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Bon, je sais pas. Vu que les 7 heures pour ouvrir va passer, quand même. Ouais, bah, faut que je termine ma valise. Oh, c'est pas terminé, c'est comme moi la dernière minute. Parce que le problème dans des trucs comme ça, c'est qu'il ne faut rien oublier. Oui, c'est vrai. C'est ça le truc qui est chiant. C'est vrai. Est-ce que je peux prendre des photos avec toi ? Oui, bien sûr. Mais comme tu veux, on prend toutes tes photos que tu veux. Tu sais, je t'ai dit, moi j'ai vécu là-dedans. Ma famille, mon grand-père, mon père, mon frère, mon oncle, tout le monde est photographe. Ah oui, c'est vrai. Mais là, c'est vraiment très simple. Oui. C'est vous deux. Allez. Bon, attends un petit peu. On va essayer d'ouvrir le truc ici. Je t'en prie. Ça va la lumière là ? Oh oui, oui. Okay. Tout est merveilleux. Bon. Allez. On va en prendre quelques-unes. En fais-tu de la photo, toi ? Non. J'en ai fait quand j'étais plus jeune. Merci. J'en ai fait plus jeune, mais non, j'en fais plus. Là. Bah, il faut dire, j'ai pas tellement de temps, on va dire. Ben, à un moment donné, il faut que tu choisisses. Voilà, et plus le temps se rétrécit, et plus on est obligé de choisir. Donc, Voilà. C'est ça qui... Mais... C'est comme ça ? Oui. Mais merci à nos amis de nous avoir Oui, Sebka et Abir, oui. Oui, oui, oui. Bah, oui, bah écoute, ils sont charmants tous les deux, ils se sont bien trouvés. Oui, puis... ils se sont bien trouvés. Lorsque je rencontre des auteurs-compositeurs, on parle beaucoup, beaucoup, beaucoup de ton... Mon atelier. De ton séminaire, de tes cours et... Ben, j'essaie d'être utile, pour, ça a l'air d'être le cas, donc tant mieux, hein, ben, je suis ravi. Hein, bon. Et on m'a dit aussi que tu les rencontrais souvent ici. Ah oui, oui, oui, les ateliers se passent ici. Mais quelquefois, tu loues un espace. C'est ah non, non, je ne loue pas. Ah ben non, parce que, non, parce que tous mes ateliers sont gratuits. Hein, je vais pas me mettre à louer quelque chose. Mais... Je veux bien... Et j'accepte, et il ne pourrait pas en être autrement que ça ne me rapporte rien, okay. Mais je ne veux pas que ça me coûte non plus. Ok, mais, bon. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas un endroit, quelquefois, où tu... Alors, je fais, sur les 4 ateliers parisiens, il y en a 3 qui ont lieu ici, okay. Et un qui a lieu à la SACEM. Ah, c'est ça, mais je ne loue pas, okay, okay. Ils me prêtent les locaux. Ben oui, j'espère, ben oui. Ben non, non, Bon, quand même, c'est normal. Je forme les jeunes auteurs compositeurs. Donc, non, non, oui. non, c'est gratuit. Ils me prennent des trucs. Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien, mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité. On ira où tu voudras, quand tu voudras, et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Toute la vie sera pareil à ce matin, aux couleurs de l'été indien. Aujourd'hui, je suis très loin de ce matin d'automne, mais c'est comme si j'y étais. Je pense à toi. Où es-tu? Que fais-tu? Est-ce que j'existe encore pour toi? Je regarde cette vague qui n'atteindra jamais la dune. Tu vois, comme elle, je reviens en arrière. Comme elle, je me couche sur le sable et je me souviens. Je me souviens des marées hautes, du soleil et du bonheur qui passaient sur la mer. Il y a une éternité, un siècle, il y a un an. On ira où tu voudras, quand tu voudras, et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Toute la vie sera pareille à ce matin, aux couleurs de l'été indien. Chers amis, si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois.